إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 47 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'intitule Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on lit le livre avec les explications, les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son ta'liq qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé aujourd'hui donc à la page 336 et c'est le passage numéro 177 et on rentre donc dans un point, dans des passages maintenant vraiment intéressants. Déjà tout ce qu'on a vu jusqu'à date c'était toujours intéressant, mais c'est pour dire que là on avance un peu dans le sujet puisque les derniers cours qu'on a fait, une grande partie c'était pour introduire la question de l'interdiction d'imiter les koufars, mais là on commence à avancer un peu plus maintenant dans le sujet lui-même. Donc le cheikh il dit pour expliquer par rapport à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a dit que on allait suivre les juifs et les chrétiens pas à pas, même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, on va les suivre. Et quand on lui a demandé de qui parles-tu au messager d'Allah, est-ce que ce sont les juifs ou les chrétiens, il a dit qui d'autre. Et quand on lui a posé la question aussi, il a dit on lui a demandé est-ce que ce sont les perses et les romains au messager d'Allah, il a dit qui d'autre sinon ceux-là. Donc ça veut dire que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que une partie de sa umma allait suivre ces gens-là. Maintenant le cheikh il dit وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. Donc le cheikh il dit tout ce qu'on a mentionné jusqu'à date par rapport à au hadith qui mentionne qu'il va y avoir une partie de la umma qui va imiter les juifs et les chrétiens, tout ça c'est venu dans le sens de l'information pour nous dire que c'est quelque chose qui va se produire, c'est quelque chose qui va se produire, et en même temps c'est un blâme pour celui qui les imite, et en même temps c'est un blâme pour celui qui les imite. Donc il y en a qui pensent que c'est juste une information comme ça, mais que ça n'implique pas un blâme pour celui qui le fait. Donc Cheikh al-Islam il dit non, ça nous indique que c'est quelque chose qui va se produire, qui va arriver dans l'avenir, mais en même temps ça indique un blâme pour celui qui le fait, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce que certains individus ou certains hommes allaient faire avant la fin des temps, juste avant l'heure du jugement dernier, parmi les signes du jugement dernier et des choses interdites qui vont se produire. Donc tout ça, ça rentre dans les blâmes également. Et il dit on sait donc que l'imitation, quand cette umma va imiter les juifs ou les chrétiens ou les perses ou les romains, ça fait partie de ce que Allah et son messager ont blâmé, et c'est ça qui est C'est ça qu'on essaie d'établir et c'est le point qu'on essaie de rejoindre. Donc Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce passage et il dit قوله وهذا كله خرج منه مخرج الخبر لم يقصد بهذا الإخبار مجرد الإخبار فقط وإنما قصد من ذلك التحذير من التشبه بهذه الأمم المنحرفة من اليهود والنصارى وفارس والروم وما وأن نعتز بما عندنا مما أعطانا الله من الكرامة والفضل ثم إنه لا بد أن يكون للمسلم شخصية مستقلة تميزه عن غيره جل وعلا ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله فعلم أن مشابهة هذه الأمة يعني كونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن التشبه وحذر وكرر فهذا يدل على أن التشبه بالكفار شديد التحريم لا يجوز لأننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فإننا سنتشبه بهم في الباطن ومشابهة الظاهر تدل على محبة في الباطن أي فلو كان يبغضهم ما تشبه بهم ça c'est un passage on l'a lu la semaine passée mais il n'y a pas de mal de le répéter parce que c'est important. Il dit tout ce qui a été dit maintenant par rapport à qu'est-ce que Cheikh l'Islam a expliqué de qu'est-ce qui nous a informé, qu'est-ce qui nous a été informé par rapport aux événements qui vont se produire dans l'avenir, par exemple le fait qu'on va imiter les Juifs et les chrétiens. Tout ça, c'est pas juste une information qui nous est donnée seulement. Le but de ça, c'est en même temps, c'est de nous mettre en garde et de nous avertir de l'imitation de ces nations qui ont dévié, ou de ces peuples qui ont dévié parmi les Juifs et les chrétiens et les Perses et les Romains. Et pour que nous soyons fiers de ce que nous possédons et de ce que Allah nous a donné comme noblesse et comme mérite. Et ensuite, il dit, il faut absolument donc que le musulman ait une personnalité indépendante qui se distingue des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا عَلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ C'est-à-dire, ne vous laissez pas battre hein, et ne vous affligez pas. Alors que vous êtes supérieurs si vous êtes des vrais croyants. C'est vous les supérieurs, c'est vous qui êtes élevés au-dessus des autres si vous êtes croyants. Donc peu importe, on doit toujours être fiers. Même si pour certains on est en retard sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan technologique. Il y en a qui disent bah, on est en retard, on n'a pas le même degré que les koufars, le même niveau que les koufars, mais ça ne dérange pas. Si tu es un mu'min, hein, tu es supérieur au koufar. Hein. Et il dit on sait donc que dans le fait d'imiter, que le fait que cette umma imite les koufars, ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, que c'est quelque chose qui va se produire dans l'avenir, mais il nous a mis en garde contre ça. Et le fait qu'il nous a mis en garde contre ça et qu'il nous en a parlé plusieurs fois, il l'a répété, donc ça indique que l'imitation des koufars, c'est quelque chose qui est sévèrement interdit et qui n'est pas permis du tout. Parce que si on imite les koufars, même dans l'apparence, ça veut dire que tôt ou tard, on va commencer à les imiter, même dans leurs croyances et dans ce qui est intérieur par la suite. Et il dit pourquoi ? Parce que la ressemblance extérieure indique un amour intérieur. C'est-à-dire que si on les détesterait, si on les aurait détestés réellement, on n'aurait pas cherché à vouloir leur ressembler. D'accord ? Donc ça c'est la fin de cette explication ici. Le passage suivant, le cheikh il dit « وَلَا يُقَالْ إِذَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بالحق الذي بعثه الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. Ça c'est un point très important. C'est un point très très important ici. Le cheikh il dit on ne doit pas dire non plus comme certains, peut-être qui pensent, qui ont cette idée-là, et ça c'est un point très important à comprendre, ils disent, on ne pourra pas dire comme certains que si c'est écrit dans le Coran, dans la Sunna, que ça va se produire. Alors, à quoi ça sert de l'interdire? Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont penser comme ça. Ils vont dire, mais si, c'est, si le prophète Sassam a dit qu'il y a des gens qui vont les imiter, les juifs et les chrétiens, et que ça va se produire dans l'avenir, à quoi ça sert de l'interdire, puisqu'on sait déjà que ça va se produire? Le cheikh, il répond à cette ambiguïté-là, et à cette choubha. Et il dit, le Coran et la Sunna ont indiqué, en même temps que le prophète Sassam a dit qu'il y a des gens qui vont les imiter, les juifs et les chrétiens, en même temps, le prophète Sassam a indiqué également qu'il y aura toujours un groupe dans cette umma qui va rester accroché à la vérité à laquelle, avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et il dit que cette umma ne va jamais se mettre d'accord et s'unir sur l'égarement. Donc, dans le fait d'interdire, d'imiter les koufars, eh bien, il y a, en agissant comme ça, en interdisant aux gens d'imiter les koufars, on augmente le nombre des gens qui font partie du groupe victorieux et qui ne vont pas céder à l'égarement. Et on les raffermit et on augmente leur foi. Donc, vous comprenez? C'est quoi le bienfait de mentionner, d'expliquer et d'enseigner aux gens l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens, même si on sait que ça va se produire, c'est qu'on sait qu'il y a une portion ou un groupe dans la Ummah qui va rester accroché sur la Sunna et qui va rester accroché à la vérité, même quand des gens vont s'égarer, eux ils vont rester fermes sur la vérité et sur ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené de la vérité. Jusqu'à l'heure du jugement dernier, ce groupe-là va demeurer et que les musulmans ne vont jamais tous se mettre d'accord sur l'égarement. Et il y a donc, dans le fait d'interdire, d'imiter les koufars, le fait d'augmenter le nombre de gens qui font partie du groupe victorieux et de les raffermir et d'augmenter leur foi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui exauce les invocations, de faire que nous soyons parmi ce groupe-là. C'est ça ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit. Maintenant, Cheikh al-Fawzan, il explique. Il dit, وَهَدَا عَوْدٌ عَلَى مَا سَبَقْ فِي الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهِي مَعَ وُجُودِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مُقَدَّرًا فَلَا فَائِدَةَ فِي النَّهِي عَنْهُ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْبَرَ عَنْ وُقُوعِ ذَلِكَ كان هدفه تحذير أمته من الوقوع في التشبيه وأن لا نغتر بمن فعل ذلك فلا يقال ما فائدة النهي لأنه دل الكتاب والسنة على أن هناك طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فلنكن مع هذه الطائفة وفي هذا النهي بشارة Donc le cheikh il dit, donc on revient à ce qu'on disait auparavant à propos de ceux qui prétendent que ça sert à rien d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, alors que on sait que c'est des choses qui ont été décrétées et prédestinées par Allah. Alors le cheikh il dit que si une chose, ceux qui croient ou ceux qui pensent qu'une chose, une fois qu'elle a été prédestinée, ça sert à rien de l'interdire, que ça c'est une parole fausse de penser ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cela va se produire, mais la raison pour laquelle il nous a informé que ça allait se produire, c'est pour avertir la Ummah que cette chose là allait arriver, et justement pour pas se laisser tromper par ceux qui vont imiter les juifs et les chrétiens et qui vont les suivre. Donc on ne doit pas dire à quoi ça sert de l'interdire, puisque le Coran et la Sunna nous ont informé qu'il y a un groupe de la Ummah qui va rester accroché toujours à la vérité et qui vont suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené jusqu'au jour de la résurrection. Alors nous devons faire partie de ce groupe, hein? Et c'est pour cette raison là que dans l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens, il y a une bonne annonce pour les croyants qui s'accrochent à la vérité. Il dit, فالمقصود أن نترك التشبه وأن ترك التشبه هو عملنا الذي نقدر عليه، أما وقوعه وحصوله فهذا قدره الله وقضاه، وقضاؤه، هذا قدر الله وقضاؤه، فنحن لا نحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي والآثام، لأنه في وسعنا تركها وتجنبها. الشيخ يقول le but, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ça, c'est que on doit comprendre que on est capable d'abandonner l'imitation des koufars, on est capable de ne pas les imiter, et de, ou bien si on les imite, on est capable de cesser de les imiter. C'est quelque chose qui est en notre capacité de faire ça. En ce qui concerne, est-ce que l'imitation va arriver et va se produire, oui ou non? Ça oui, parce que ça fait partie de qu'est-ce que Allah a prédestiné et de qu'est-ce qu'il a décrété. Toutefois, nous n'avons pas le droit d'utiliser la prédestination et le décret comme excuse pour justifier un péché ou des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons la capacité de cesser de le faire, d'abandonner le péché et de nous en écarter. Donc on ne peut pas l'utiliser comme excuse pour dire « Ah mais j'ai fait ce péché-là parce qu'Allah il l'a prédestiné. » Non. Donc le cheikh il dit aïdan, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, et ça c'est un point très important, et c'est un point très important qu'il va mentionner maintenant. Donc il dit wa aydan law furida an al insan la yatruk ahad la yatruk ahad minhum hadhihi al mushabaha al munkara la kana fi al ilm biha ma'rifatu al qabih wal iman bi dhalik fa inna nafs al ilm wal iman bima karihahu Allah khayr wa in lam yu'mal bihi بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah ici? Il dit, supposons que également parmi les shubuhat que certaines personnes ils disent, par exemple, ça sert à rien de dire aux gens ou d'interdire aux gens d'imiter les koufars parce qu'ils vont jamais cesser de le faire. Ils vont continuer à les imiter. Le cheikh il dit, supposons que les gens ils arrêtent pas d'imiter les koufars, malgré que on leur enseigne que cette chose là c'est pas bien, que c'est interdit. Il dit, dans le simple fait d'avoir la connaissance que c'est interdit, on connaît que la chose, on sait que la chose est laide et on y croit. Donc déjà ça c'est quelque chose de bon, dans le sens que, par exemple, si quelqu'un par exemple un péché en particulier, il ignore que c'est un péché. Comme par exemple un musulman, il ne sait pas que d'imiter les koufars c'est haram. Il pense que c'est permis. Et qu'il le fait. Donc dans ce cas-là, c'est la situation dans laquelle il est, c'est qu'il s'enfonce encore plus dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose dont il ignore la laideur. Et donc même s'il est ignorant, c'est sûr qu'il est excusé par rapport à son ignorance, mais en même temps, n'empêche qu'il est dans quelque chose qui est une forme d'égarement. Mais si on lui apprend que cette chose-là est haram et que c'est mauvais, et qu'il l'accepte, il dit oui, c'est vrai, ça c'est l'imitation des koufars, c'est vrai que c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les imiter, et c'est quelque chose qui est mauvais, et j'y crois, donc ça c'est déjà quelque chose de bien. Il dit parce que dans la simple connaissance et le simple fait de savoir que ça c'est haram, déjà tu vas commencer à le détester. Tu vas le détester parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Et ça, c'est un bien. Même si tu continues à les imiter par la suite, Mais au moins dans ton cœur, quand tu vas les imiter, tu vas détester qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu vas être conscient que ce que tu fais, c'est un péché. Et ça, déjà, en soi, c'est une adoration. Le fait de détester ce que Allah déteste et le fait de yani, savoir que c'est haram et de l'accepter et de reconnaître que c'est haram et que c'est mauvais, déjà, ça c'est aussi c'est une adoration. Donc, le fait de savoir et d'avoir la foi, c'est un bienfait plus grand que de faire une action qui n'est pas accompagnée de connaissance. Hein, subhanallah. Donc, il y a celui qui fait un péché, mais qui connaît son interdiction, et qui croit en son interdiction, et qui connaît, il sait que c'est mal, tandis que celui, par exemple, il fait pas le péché en question, mais il n'a pas de science. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait, c'est correct ou non. Donc ça, c'est pour faire comprendre que le simple fait d'avoir la connaissance et d'avoir la foi, c'est déjà un grand bienfait, plus grand que de faire une action sans science. Il dit parce que lorsque l'homme, il dit le cheikh, donc un homme, s'il reconnaît que quelque chose est bien, il reconnaît le bien et il condamne le mal, c'est mieux que d'avoir le cœur mort. La personne qui a le cœur mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne reconnaît pas le bien comme étant bien. Elle pense que le bien, c'est mal. Puis elle pense que le mal, c'est bien. Donc cette personne-là, son cœur est mort. Tandis que celui qui yani, reconnaît que le bien est bien et que le mal est mal et qu'il accepte le bien et il l'aime et il déteste le mal et il le rejette et il le condamne, ça veut dire au moins son cœur est vivant. Et regardez même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit dans le hadith, celui d'entre vous qui voit un bien, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Déjà, le minimum de la foi, qu'il le change par son cœur, ça veut dire qu'il le déteste et qu'il ait l'intention de le changer s'il en avait la capacité. Et dans un autre hadith, ça dit, et derrière ça, il n'y a pas une graine d'atome ou une graine de moutarde de foi. لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Donc, derrière ça, il n'y a pas même une graine de moutarde. C'est-à-dire, après, celui qui n'a pas changé le mal par son cœur, hein, après avoir changé le mal par son cœur, s'il ne l'a pas fait par le cœur, alors il n'y a même pas une graine de moutarde de foi dans son cœur. Donc, ça prouve quand même que si la personne, elle connaît la chose et elle sait que c'est quelque chose qui est mal et elle a la foi, elle croit que c'est quelque chose de haram, que Allah l'a interdit, il y a du bien là-dedans. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan et vous allez voir, c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Wa qawluhu wa aydan law furida anna an-nas la yatruku ahadun minhum hadhihi al-mushabaha al-munkara hadha wajhun akhar min al-hikmati fi al-ikhbari an at-tashabbuh rahm taqdir wuqu'ihi وأن الحكمة من هذا الإخبار إنما هو العلم ولا شك أن العلم بالشيء مطلوب وأن الجهل به مذمة وقوله. Donc on va traduire cette partie. Il dit la parole ici quand il dit Cheikh l'Islam, et si on suppose par exemple que les gens ne vont pas abandonner ce péché de ressembler au kuffar, qui est quelque chose de mauvais. Même à ça, on peut dire qu'une autre des sagesses, par le fait qu'on a été informé que cette chose va se produire, c'est que et que ça va arriver, c'est que la sagesse, c'est de nous avoir informé de ça, c'est d'avoir la connaissance, hein, au moins de savoir que c'est quelque chose de mauvais et d'interdit. Et donc, il n'y a pas de doute que la connaissance, c'est quelque chose de qu'on doit rechercher. On doit chercher, et en même temps, l'ignorance, c'est quelque chose de blâmable. Hein? L'ignorer, c'est quelque chose de blâmable. Et il dit وَقَوْلُهُ فَإِنَّ نَفْسَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ بِمَا كَرِهَهُ اللَّهُ خَيْرٌ وإن لم يعمل به. يعني إذا علم المسلم ما يكرهه الله وفهم ذلك فإن هذا خير وإن لم يعمل به لشرف العلم. إذا جمع بين العلم والعمل فهذا هو المطلوب. ولهذا ميز الله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم من الكفرة الأميين، حيث صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم. فالمقصود أن العالم خير من الجاهل، لأن العالم حري أن يرجع إلى الصواب ويرده علمه، وهذا بخلاف الجاهل فإنه يتمادى في جهله وغيه ويرى أنه على حق. Donc le cheikh il dit il dit que cette science là et cette foi en ce de, yani de, le fait de connaître et d'avoir la foi en ce que Allah déteste, c'est-à-dire de connaître, d'avoir la connaissance que Allah déteste quelque chose et d'avoir la foi que cette chose-là, Allah le déteste, eh bien, même si tu ne l'appliques pas ou tu n'agis pas selon cette connaissance et cette foi, mais c'est quand même mieux de le connaître que de l'ignorer. Il dit parce que le musulman, lorsqu'il sait que Allah déteste quelque chose et qu'il a compris, alors c'est clair que ça c'est mieux pour lui, même s'il ne l'applique pas, juste déjà en partant à cause de la noblesse de la science. Et lorsqu'il réunit la connaissance et l'application ensemble, ça c'est le meilleur, ça c'est ce qui est recherché. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a distingué les hommes de science parmi les juifs et les chrétiens au-dessus des autres, par rapport aux autres parmi les koufars et par rapport aux autres aux koufars et aux ummiyyin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de livre parmi les mushrikin. Donc souvent les gens disent bon, pourquoi on les appelle Ahlul Kitab alors que ce sont des koufars et des mushrikin? Oui, c'est des koufars et des mushrikin, mais du fait qu'ils ont reçu un livre, ils ont une particularité parce qu'ils ont la connaissance des prophètes, ils savent qui sont les prophètes, ils savent que leur message c'est le tawhid, ils savent beaucoup de choses quand même qui fait qu'ils sont plus proches de la vérité que les autres koufars et que les autres mushrikin. Et donc il dit à cause de ça, ils ont une particularité par rapport au rappel, par rapport aux règles sur les autres. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, le but et le point, c'est que le savant est meilleur que l'ignorant. Le savant est meilleur que l'ignorant. Et le savant, lorsqu'il sait quelque chose, c'est plus facile pour lui de revenir à la vérité et de revenir à ce qui est correct parce que c'est sa science qui le fait revenir, contrairement à l'ignorant qui continue à s'enfoncer dans son ignorance et dans sa déviation et qui pense être sur la vérité. وَلِهَذَا حَكَمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلْ وَلِهَذَا حَكَمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعْمَلْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أنه من الضالين وأن عمله غير مقبول فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان له فضيلة أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجه من الوجوه. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé que celui qui agit, qui pratique quelque chose sans science, il fait partie des égarés et son action ne sera pas acceptée. Mais tandis que lorsqu'il y a la présence de la science, même si on ne l'applique pas, ça donne quand même un mérite. Ça donne quand même un mérite. Tandis que dans l'ignorance, il n'y a aucun mérite d'aucun point de vue, sur aucun point de vue. Il dit « Wa qawluhu fa inna l'insan idha arafa al-ma'ruf wa ankara al-munkar wa hadha wajhun akhar li fadli al-ilm » فإن من كان عنده علم بالمنكرات وإن لم ينكرها بلسانه ويده وبيده فإنه ينكرها بقلبه فإنه ينكرها بقلبه على الأقل وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث والإنكار بالقلب بداية للإنكار باللسان وباليد. فكونه عنده إيمان ولو كان ضعيفا أفضل من الذي ليس عنده علم. Donc le Cheikh il dit, un autre parmi les exemples que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a donné par rapport au mérite de la connaissance dans ces questions-là, c'est que la personne qui connaît, au moins il va considérer le bien comme étant bien et le mal comme étant mal. Et ça c'est un autre point de vue qui montre le mérite de la science et l'excellence de la science. Du fait que la personne qui a de la science et qui sait que quelque chose fait partie des choses qui sont mauvaises, même s'il ne le condamne pas avec sa langue ou avec sa main, mais au moins il va le condamner avec son cœur. Hein? Yunkiruha biqalbihi, au moins. Et ça c'est le niveau le plus faible de la foi, comme c'est mentionné dans le hadith. Mais il dit, le fait au moins de condamner par le cœur, c'est le début de la condamnation ou du fait de rejeter, hein, ou de condamner ce péché-là par la langue et par la main. Avant de condamner par la langue et par la main. C'est-à-dire, si quelqu'un ne condamne pas un péché par son cœur, il ne peut pas changer par sa main. Il ne peut pas changer par sa langue non plus. Parce que dans son cœur, il n'y a rien. Hein? Donc, la base de l'inkar, de inkar al-munkar, pour condamner le mal et qu'est-ce qui est haram, il faut que ça commence par le cœur. Et pour que la personne commence à condamner le mal par le cœur, il faut qu'elle ait de la science. Parce que si elle n'a pas de science, comment dans son cœur elle va savoir que quelque chose est mal ou bon, hein, si elle n'a pas la connaissance. Donc, en premier, c'est la connaissance. Ensuite, une fois qu'elle a la connaissance, elle condamne le mal par son cœur. Puis, si sa foi est vraiment forte, là, elle va être capable de le changer par la main ou par la langue, selon le cas et selon la situation. Tandis que s'il n'y a pas de science, il n'y a pas d'inkar, ni avec le cœur, ni avec la main, ni avec la langue. Hein? Et donc, c'est pour ça que, yani, le fait d'avoir le cheikh, il dit, donc le fait que la personne ait une foi, même si c'est une foi qui est faible, c'est mieux que celui qui n'a pas de science du tout. Hein? Donc ça c'est un point très important. Et moi je me rappelle une fois, hein, quand j'étais imam encore à la mosquée sur Jean Talon, il y a Dar al-Arqam, subhanallah, des fois on parlait je parlais de certains sujets, les gens disaient, oui, à quoi ça sert de dire ça aux gens, les gens ils vont pas accepter ou ils vont pas se soumettre ou ils vont pas suivre, qu'est-ce que tu dis? Et je disais, oui, peut-être vous dites qu'ils vont pas le faire. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont le faire, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont l'accepter. Et ceux qui ne l'acceptent pas, hein, ou ceux qui l'acceptent mais qui ne vont pas le faire, au moins ils vont avoir la connaissance et au moins ils vont avoir les preuves. Lorsque viendra le temps chez eux peut-être de le condamner, ou de ça, au moins ils vont être capables de le faire parce qu'ils auront la connaissance, puis ils auront les arguments et les preuves pour le faire parce qu'ils l'ont entendu. Mais si on ne le dit pas, et si on n'en parle pas, et si on ne l'explique pas, et si on les laisse dans l'égarement, ils ne vont pas le savoir. Combien de musulmans, par exemple, sont venus vivre ici, par exemple, ils ont quitté les pays musulmans pour venir vivre au Canada, par exemple. Combien d'entre ces musulmans-là savaient avant de quitter leur pays que de venir vivre dans les pays de Kufr, ce n'est pas permis? Combien savaient? Très peu. Et donc, je dis, si on ne leur explique pas et qu'on ne leur enseigne pas, comment ils vont changer? Hein? Comment ils vont déjà reconnaître que ce qu'ils ont fait était une erreur? Et donc, comment ils vont s'en repentir de ce péché-là s'ils ne le savaient même pas? Et en même temps, comment ils vont commencer à essayer de planifier ou de réfléchir ou de penser à retourner ou à faire la hijra et aller dans un pays musulman si on ne leur enseigne pas que c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux? Donc, il faut qu'ils aient la connaissance. Mais si quelqu'un dit, « Ah, ça sert à rien de leur dire ça, les gens, ils vont pas aller, ils vont pas partir. Hein? » Premièrement, tu sais même pas. Et deuxièmement, chacun est responsable de sa propre personne. Si quelqu'un le fait, c'est pour son bien, c'est pour elle-même. Si elle le fait pas, c'est elle qui aura des comptes à rendre. Hein? On n'est pas on n'est pas responsable de chaque individu, qu'est-ce qu'il décide de faire ou non. Sauf que chaque personne, au moins, lorsqu'on leur a donné les connaissances nécessaires, par la suite, ils sont capables de faire en sorte de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions avec une connaissance. Avec une connaissance des informations et des choses. Il dit wa inkarul qalb huwa al iman bi anna hadha al munkar wa karahatuhu aw karahatuhu lidhalik inkarul qalb huwa al iman bi anna hadha munkar wa karahatuhu lidhalik. C'est ça que le cheikh il a expliqué, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Tantôt on a dit que s'il n'est pas capable de changer le mal, ni par sa main, ni par sa langue, il le change avec son cœur. Alors, qu'est-ce que c'est le changer le mal avec le cœur? Le cheikh dit, inkar al-qalb huwa al-iman bi anna hadha munkar wa karahatuhu zalik. C'est-à-dire que tu dois croire que cette chose est un mal. Et tu dois le détester. C'est ça le fait de changer le mal par le cœur. Il dit فَإِذَا حَصَلَ هَذَا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَحَمْتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Il dit فَإِذَا حَصَلَ هَذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ إِيمَانٌ وَإِذَا فَقَدَ الْقَلْبِ مَعْرِفَةَ هَذَا الْمَعْرُوفِ وَإِنْكَارَ هَذَا الْمُنْكَرِ ارْتَفَعَ الْإِيمَانُ مِنَ الْقَلْبِ. Il dit le cheikh, que si donc il y a cette foi dans le cœur, que c'est-à-dire la personne elle a cru que c'est un mal et elle a détesté ce mal, lorsqu'elle a ça dans son cœur, alors elle a reconnu qu'est-ce qui est bien comme étant bien et elle a condamné ce qui est en mal comme étant mal. Et si elle n'a pas cette connaissance, si le cœur perd cette connaissance-là, alors yani dans ce cas-là, la foi se retire de de son cœur. فَقَدَ مَعْرِفَةَ الْمَعْرُوفِ. Elle ne connaît plus ce bien, elle ne reconnaît plus ce bien comme étant un bien, et elle condamne plus ce mal comme étant un mal. Dans ce cas-là, la foi se retire de son cœur. اللهم استعان. Il dit وَأَيْضًا فَقَدْ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلْ مِنَ الظَّمِّ مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَيْهِ أَوْ يَأْتِ بِحَسَنَاتِ تَمْحُوهُ أَوْ تَمْحُ بَعْضَهُ وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. Tout ça c'est des choses vraiment. Le cheikh il dit, le cheikh l'islam il dit également, la personne qui est dans cette situation là, peut-être qu'elle peut demander pardon à Allah. Une fois qu'elle a su que c'est haram, elle peut demander à Allah pardon et dire astaghfirullah. Même si elle continue de le faire, c'est mieux de demander pardon pour un péché que de ne pas le demander pardon du tout. Et si la personne ne sait pas, comment elle va faire pour demander pardon? C'est pas possible. Et donc, il dit soit que la personne peut demander pardon en continuant à le faire, ou qu'elle va faire des bonnes œuvres qui vont effacer ce péché, ou effacer une partie de ce péché, ou le diminuer, ou peut-être que cela peut également augmenter ou doubler son intention ou sa quête de la science du fait que cette chose est quelque chose de mauvais. Donc, ça c'est le passage de Cheikh al-Islam. Maintenant, Cheikh al-Fawzan, il dit « قَوْلُهُ وَإِنْكَارُ الْقَلْبِ هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته له وهذا من آثار العلم به ومع وقوعه في هذه الأمة أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليكون عند الإنسان علم يمكنه من إنكار هذا الشيء ولو بقلبه وبالتالي فإن الإنكار بالقلب يعني أن هناك إيمانا ولو كان ضعيفا. Donc le cheikh il commence, il dit premièrement, ça c'est le fait que la personne elle croit que cette chose est mauvaise et elle le déteste, c'est là, c'est le signe que dans, qu'il y a une trace de science par rapport à ce mal. Et même si, donc, le fait que tu sais que quelque chose va se produire, comme l'imitation des koufars, le prophète Sassam, il nous a informé que c'est quelque chose qui va se produire dans l'avenir. Donc, pourquoi? Pour qu'il y ait dans, en la personne, une connaissance qui permette à cette personne de condamner cette chose, même avec son cœur, lorsque cette chose-là va se produire. Et donc, par conséquent, la personne, quand elle va condamner le mal par son cœur, c'est sûr que ça, c'est le niveau le plus faible de la foi, mais c'est quand même, au moins, un niveau de foi. Contrairement à la personne qui ne condamne pas du tout le mal par son cœur, parce qu'elle l'ignore. Hein? Donc, le simple fait d'avoir la connaissance que cette chose-là est mauvaise, c'est déjà un bien. Exactement, comme tu dis. Beaucoup, comme des gens de Bida, beaucoup d'entre eux, comme tu dis, ils refusent que les gens sachent que quelque chose soit mal ou mauvais, et aussi, en même temps, même certains peuvent avoir la croyance contraire. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que non seulement ils ne savent pas que c'est mal, mais ils pensent même que c'est bien. Subhanallah. Et ça, je l'ai vu. Hein? Ils cachent la vérité. Et donc, comme là, par exemple, l'exemple que tu as donné par rapport au vote, eh ben, il y a aussi des exemples par rapport à la hijra aussi. Il y en a qui pensent que les pays musulmans sont des pays de kufr. Et que ici c'est le pays de l'islam. J'ai entendu des musulmans qui m'ont dit, ici, il y a plus d'islam que dans les pays musulmans. A'udhu billah. Et ils essaient même de faire croire que ces pays musulmans-là, ce n'est pas des vrais pays musulmans, c'est des pays de kufr pour eux. Donc, c'est encore plus grave, parce que dans ce cas-là, non seulement ils ne connaissent pas le ma'ruf et ne connaissent pas le munkar, mais ils rendent le munkar ma'ruf et ils rendent le ma'ruf munkar. Ils peuvent, tu leur demandes, c'est quoi la différence entre le kufr akbar et le kufr asrar? Ils ne savent pas. Bon, après, qu'est-ce qu'il dit encore le cheikh Ibn Sheikh Al-Fawzan? Il explique, il dit, « Wa qawluhu wa aydan faqad yastaghfir rajul min al-dhanb ma'a israrihi. » هذا أيضا من فوائد العلم فإن العالم إذا وقع في شيء من الأخطاء أو الذنوب فإنه سرعان ما يتوب ويستغفر ويرجع لأن ما عنده من العلم يحثه على التوبة من هذه الذنوب أو يوقع في قلبه كراهيته أو كراهيتها وأما الجاهل فيستمر على ما هو عليه ويظن أنه على الحق. Hein? Comme par exemple, quelqu'un peut dire, et ça c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sûr que le fait de ne pas savoir que quelque chose est mal, c'est sûr que d'un côté la personne qui ne sait pas et qui l'ignore et qui est excusée dans son ignorance de ce péché, elle n'est pas punie pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas subir les conséquences du mal qu'elle fait. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un ne sait pas que l'alcool est interdit, ça n'empêche pas que s'il boit de l'alcool, il va être ivre. Et que s'il, par exemple, il va dans la rue avec sa voiture ivre, qu'il peut faire un accident qui va tuer quelqu'un ou qui va le tuer lui. Donc, c'est sûr que la personne, elle est ignorante et que le fait d'avoir fait un péché par ignorance, elle n'est pas... comme puni par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché-là, mais n'empêche qu'elle subit quand même les conséquences de son ignorance et d'avoir commis ce péché-là. Et donc, ça c'est juste un exemple que je dis. Mais en même temps, le cheikh l'islam, il dit ici, et peut-être que la personne, lorsqu'elle a la connaissance que qu'est-ce qu'elle fait est un péché, au moins elle va demander pardon. Même si elle continue de le faire, mais la personne qui n'a pas la connaissance, elle ne va pas penser à demander pardon. Elle va continuer à le faire sans demander pardon. Tandis que l'autre, il va peut-être continuer à le faire, mais au moins il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que qu'est-ce qu'il fait, c'est un péché. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit que ça fait partie des bienfaits de la science. Parce que la personne qui a la connaissance, si elle tombe dans quelques erreurs ou dans des péchés, elle revient et elle se repent rapidement. Elle demande pardon et elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de qu'est-ce qu'elle possède de la science qui l'incite à se repentir et à demander pardon pour ces péchés-là. Ou ça va faire en sorte que dans son cœur, il va détester ce péché à cause de la connaissance qu'il a que cette chose elle est mauvaise. Tandis que l'ignorant, al-jahil, yastamir ala ma huwa alayhi. Il continue de faire ce qu'il fait et il pense qu'il est sur la vérité. Et ça, c'est encore plus grave. Wa qawluhu aw ya'ti bi hasanatin tamhu aw tamhu ba'dahu. والمقصود أنه إذا لم يترك الذنب بالكلية إلا أن علمه يحمله على أن يعمل الصالحات يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وإن كان عنده شيء من المخالفات والتشبه فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يعني هي كفارة لما بينهن ومما تكفره هذا التشبه الذي قد يحصل منه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب الصغائر ومنها التشبه وكذلك العالم قد يعني يكون مقدما على المخالفات وإن كان يقع في بعضها لكن إقدامه عليها مع حياء وخجل ولا يكون مثل إقدام الجاهل الذي يقدم عليها باطمئنان. Ça aussi c'est un point vraiment important aussi. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il explique ici, Cheikh Al-Fawzan? Il dit que la personne, yani peut-être qu'elle a certaines ressemblances avec les mouchriquins, les kuffars dans certaines choses. Peut-être que le fait d'avoir la connaissance, ça va le pousser à faire des hasanat. Naam, akhi. Allahu a'lam, la adri. Mumkin al-akh hada. Ton manteau dans les salles de bain. Oui. Naam. Cheikh il dit, donc, si la personne n'abandonne pas le péché en entier, mais sa science le pousse à faire des bonnes œuvres et à faire la salat, à faire le jeûne, à faire le hajj, à donner en aumône et en charité, et même s'il a certaines contradictions avec l'islam ou des péchés ou de la ressemblance avec les kuffars dans certaines choses, mais ces péchés, ces prières qu'il fait, comme les cinq prières par jour, le Jumu'ah, le Ramadan, alaykoum salam wa rahmatullah, et bien ça c'est des expiations pour qu'est-ce qui entre. Comme par exemple, quand tu fais les cinq prières par jour, si entre les prières tu as fait quelques péchés, et c'est une expiation, ta prière que tu fais, elle vient effacer ces péchés, ces petits péchés que tu as fait entre tes prières. De même que si tu fais un péché d'un vendredi à l'autre, il y a une expiation pour les péchés que tu as fait entre les deux. Et la même chose pour la Jumu'ah, mais pour le Ramadan. Les péchés que tu as fait d'un Ramadan à l'autre, qu'est-ce que tu as fait entre les deux, yani, c'est une expiation. La même chose pour le Hajj et la Umrah. Donc, ainsi de suite. Donc il y a toujours un moyen de faire effacer des péchés que tu as commis. Et l'exemple de cette ressemblance que tu as avec les koufas dans certains aspects, eh bien ça c'est une expiation. Le hajj mabrour c'est le hajj qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est fait selon les règles et les conditions. Eh bien il n'a aucune récompense excepté le paradis. Et il y a beaucoup de bonnes œuvres également par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va effacer de tes péchés, parmi les petits péchés bien entendu. Et ça, parmi les exemples de ça, il y a At-Tashabbuh. Et il faut comprendre aussi en même temps qu'à At-Tashabbuh, il y a des degrés. Il y a des formes de At-Tashabbuh, des kuffars qui est shirk. Il y en a d'autres qui est kufr. Il y en a qui est shirk akbar, il y en a d'autres qui est shirk asghar. Kufr akbar ou kufr asghar. Il y a aussi qui est simplement péché. Donc il y a des niveaux de tashabbuh. Si tu émettes les koufars et les mouchriquins dans qu'est-ce qui est kufr akbar, shirk akbar, comme l'adoration des morts, l'adoration des saints, l'adoration des prophètes, l'adoration des tombes et des morts, ça c'est shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Mais si tu par exemple imites les kuffars dans des choses qui sont simplement des péchés, dans ce cas là c'est haram. Et si tu les imites dans des choses qui sont mubah, dans ce cas là c'est haram en soi, parce que tu dois délaisser l'imitation des kuffars, même si à la base c'était pas interdit, mais du moment que c'est quelque chose que les kuffars font, eh bien tu dois pas les imiter dans cette action là et il y en a des fois parmi les musulmans, ils disent oui, mais moi je fais pas cette action là pour imiter les kuffars, mon intention c'est juste parce que j'aime m'habiller comme ça ou j'aime faire ça. En fait, c'est pas ton intention qui fait la différence. Tu dois pas le faire même si c'est pas ton intention. Et par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier après le lever de c'est-à-dire après la prière de Fajr jusqu'à ce que le soleil se soit élevé dans le ciel. Et il nous a interdit de prier avant le Maghrib, des Nawafil. Il a dit c'est le moment dans lequel les mouchriquins adorent le soleil. Il n'a pas dit si ton intention c'est pas d'adorer le soleil alors tu peux prier, hein? Non, c'est le fait de prier dans ces moments-là qui fait que ça donnerait l'impression qu'on est en train d'adorer le soleil ou qu'on imite les mouchriquins. Donc c'est un exemple. Si une femme par exemple elle porte des vêtements qui dévoilent les formes de son corps ou qui ressemblent aux vêtements des femmes mouchriquines, comme le prophète a dit, kassiyat, ariyat, elles sont habillées mais elles sont dévêtues comme si elles étaient nues. Une femme va dire bon, moi je ne m'habille pas comme ça pour imiter les femmes, il y a les kafirat ou des choses comme ça, mais juste parce que j'aime ça m'habiller comme ça. Le fait que ton intention c'est pas de faire ça, ça ne veut pas dire que c'est pas un péché en soi, hein? Donc ça c'est un point important juste en passant. Puis donc le shirk, qu'est-ce qu'il explique? Il dit donc que c'est possible que juste le fait d'avoir la connaissance que quelque chose est haram, ça te pousse à faire plus de bonnes œuvres justement pour expier le péché que tu fais. Et il dit وكذلك العالم لا يكون مقدما على المخالفات وإن كان يقع في بعضها ولكن إقدامه عليها مع حياء وخجل لا يكون مثل إقدام الجاهل الذي يقدم عليها بطمئنان. Donc il dit, le savant, la personne qui a de la connaissance à propos de quelque chose, elle ne va pas avancer dans les péchés, dans les choses interdites en général. Toutefois, si elle tombe dans les péchés, dans les choses interdites, elle ne va pas y avancer n'importe quoi. Elle va avancer dans le péché, mais elle va avoir honte, elle va être gênée, hein? Elle a peur de le faire. Tandis que l'autre, qui est ignorant, il fonce dans le péché, il avance dans le péché sans aucune crainte. Et il est en paix dans son cœur quand il avance dans ce péché-là, parce qu'il se dit, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit. Donc c'est ça, une autre chose qui montre, qui montre la différence entre le savant et l'ignorant. Et aussi, ça c'est une importance. Deux personnes peuvent faire le même péché, mais celui-là, il le fait d'une façon, dans son cœur, il a tellement peur d'Allah au moment où il le fait, que ça le pousse à tomber à se repentir par la suite, et à demander pardon à Allah et devenir un meilleur musulman. Tandis que l'autre, il fait le même péché, mais dans son cœur, il y a aucune crainte, aucune peur d'Allah, c'est comme si pour lui, c'est rien. Et il s'enfonce encore plus dans le péché. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde aussi à l'état, justement, des cœurs et la différence entre les deux. Mais, qu'est-ce qui ramène la différence entre ces deux états? C'est la science. Parce que la personne qui a plus de science, elle va craindre Allah plus. Parce qu'elle sait qu'est-ce qui en découle de ce péché-là et qu'est-ce qui est mentionné dans les textes au sujet de celui qui fait ce péché et qu'est-ce qu'elle a comme menace. Tandis que l'ignorant, il est insouciant, il fonce dans le péché et puis il ne pense pas à qu'est-ce qui lui attend, hein, qu'est-ce qui l'attend. Ensuite, le cheikh, il dit « ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ لَا يَتْرُكُنَا الْمُنْكَرُ وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ مُنْكَرُ لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. Donc le cheikh il dit, وعليكم السلام ورحمة الله, il dit si on suppose que يعني la personne lorsqu'elle va savoir que يعني ce péché là est interdit, supposons qu'elle ne va pas abandonner ce péché et qu'elle ne va pas reconnaître que c'est un mal, il dit ça ne doit pas non plus, malgré tout, ça ne doit pas être une chose qui t'empêche de transmettre le message et de clarifier la science à son sujet, d'expliquer aux gens et de leur faire savoir et de leur transmettre que cette chose est interdite et que cette chose elle est mauvaise. Il dit donc, ça ne fait pas tomber l'obligation de le transmettre ni l'obligation d'ordonner et d'interdire. Et selon une des deux narrations, selon Ahmed, et ça c'est selon la position de plusieurs d'entre les hommes de science, et il dit, on ne veut pas ramener et énumérer tout ce qui a été dit à ce sujet-là. Il dit, وَقَوْلُهُ ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ لَا يَتْرُكُونَ الْمُنْكَرُ وَهَذَا وَجْهٌ أَخِيرٌ فِي بَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي كَوْنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْبَرَ أنه سيقع التشبه بالكفار لا محالة مع نهيه عنه وذلك أن العلماء واجب عليهم أن يبلغوا العلم ويدعوا إلى الله ويبينوا العلم إقامة للحجة وهذا خير لا شك فيه فنحن مطلوب منا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وإن كنا نعلم أو يترجح لدينا أن الناس لا يأخذون بكلامنا لكن فعلنا هذا من باب إقامة الحجة وإبراء الذمة ولهذا قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين لمن يعظون العصاة لما تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. Donc يعني نعم لما تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون لعلهم يتقون. Donc le cheikh il explique, il dit si on suppose que يعني les gens ils ne vont pas abandonner ou cesser de يعني de le faire puis ils ne vont pas reconnaître que c'est un mal et ainsi de suite. Ça, c'est le dernier exemple que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donné à ce sujet-là. Il dit, ça, c'est le dernier exemple pour expliquer la sagesse dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y allait se produire ce péché-là, c'est-à-dire l'imitation de la part des musulmans, des kuffars, c'est-à-dire que des musulmans vont essayer d'imiter les kuffars. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se produire, là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donner l'information et que yani, il nous l'a interdit aussi, c'est-à-dire il nous a interdit d'imiter et de ressembler au kuffar. Donc yani, malgré que certains d'entre les musulmans, même si yani, ils ont l'information, ils vont continuer à le faire, ça c'est pas une raison pour nous de cesser de le transmettre, c'est-à-dire de transmettre l'interdiction et de transmettre aux gens que cette chose-là est haram, même s'il continue à le faire. Il dit, parce que les ulama ont l'obligation de transmettre la science et d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et de clarifier la science pour établir la preuve. Pour établir la preuve et aller contre les hommes. Comme ça, s'ils arrivent au jour de la résurrection et que Allah subhanahu wa ta'ala demande aux messagers, avez-vous transmis le message aux hommes ? S'ils demandent aux ulama, avez-vous transmis le message aux hommes ? Les hommes ne peuvent pas dire par la suite, nous on n'a jamais entendu, et les messagers ne nous ont pas dit, et les ulama ne nous ont pas clarifié. Pourquoi ? Parce que les ulama ont clarifié et ils ont transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les prophètes ont transmis également. Donc les hommes n'ont plus d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la preuve a été établie. Et les explications ont été données. Et donc, ça, c'est un autre des bienfaits de transmettre la science. Hein? Comme ça, si quelqu'un, par exemple, dit, mais à quoi ça sert de dire aux gens, puisqu'ils ne vont même pas l'accepter, ou ils ne vont même pas le suivre, ou ils ne vont même pas changer. Mais là, avec tous les exemples qu'on a donnés déjà, les réponses qu'on a données, plus cette dernière exemple, que ça sert d'établir la preuve contre les hommes. Comme ça, ils n'ont plus d'excuses au jour de la résurrection. S'ils ont décidé de ne pas le faire, ils vont avoir des comptes à rendre. Donc le cheikh dit, nous, qu'est-ce qui est ordonné? Qu'est-ce qui nous est demandé? C'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Même si on sait, ou si on a, la présomption que les gens ne vont pas accepter notre parole, ou ne vont pas accepter ce qu'on a dit. C'est pas comme par exemple, même si on sait que quand on va par exemple parler, on dit, ah mais ça, les gens ils vont pas nous écouter. C'est pas grave. L'obligation pour toi, c'est de transmettre, c'est de faire savoir, c'est d'ordonner et d'interdire. Le cœur des hommes, c'est Allah qui le contrôle. Hein? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui va être guidé, qui va être égaré, qui va accepter la nasiha, qui ne va pas l'accepter. Mais toi, ton devoir, c'est de transmettre, c'est d'établir la preuve et d'expliquer. Et une fois que tu as établi la preuve et que tu as mentionné les explications, eh bien toi, c'est comme si ton obligation, elle a été rempli, tu as c'est comme si tu t'es lavé les mains de ta responsabilité face à ces gens-là. Et il dit, et c'est pour ça que certains parmi les Bani Israël qui faisaient partie des croyants, ils donnaient des exhortations aux pécheurs et ils ordonnaient le bien et ils interdisaient le mal. Et il y en a qui leur posaient la question, pourquoi vous donnez l'exhortation à un peuple que Allah va faire périr de toute façon? Allah va les châtier, va les faire périr de toute façon. Alors pourquoi vous perdez votre temps à leur faire des exhortations? Et eux, ils ont répondu et ils ont dit, ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqoun. C'est-à-dire, c'est pour que, pour qu'on ait une excuse devant notre Seigneur. Et pour qu'ils puissent également craindre Allah s'ils veulent accepter de suivre la vérité. Donc, nous, au jour de la résurrection, on a rempli notre devoir. Et on a établi la preuve contre eux. Et s'ils veulent suivre la vérité, c'est tant mieux pour eux. Et donc, il reste 5 minutes. Donc le cheikh il dit وَلِلَّهِ الْحَمْدِ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِهِ طَائِفَةٌ ظَاهِرَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. C'est-à-dire louange à Allah subhanahu wa ta'ala que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y aura un groupe de sa umma qui sera toujours victorieux sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Il dit وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة وذلك أنه مع كثرة المنكرات وكثرة المخالفين وغلبة الشر فإن الحق لا ينعدم بل الحق باق وأهله باقون عليه وإن كانوا قلة. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إنه لا فائدة من الإنكار على المخالفين ولا فائدة من البيان ولا فائدة من الوعظ والتذكير ولا سيما والناس معضون في طريقهم. قولهم هذا يشبه قول طائفة من بني إسرائيل قال الله عز وجل حكاية عنهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فلما جاء العقاب لم يذكر الله نجاة الطائفة التي سكتت ويحتمل أنها هلكت مع الهالكين لأنهم لم ينكروا. وفي الحديث أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاغ والبيان مهما كثر الفساد في الأرض بل تشتد الحاجة إليه في هذا الوقت أكثر من غيره. Donc le cheikh il dit, dans ce hadith il y a, hein, le hadith qui dit qu'il y a un groupe de la Umma qui va rester toujours victorieux sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, il y a dans ça une bonne annonce, hein, une grande annonce pour les croyants. Et c'est-à-dire que malgré la grande quantité de mal qui va exister et le grand nombre de gens qui viennent en contradiction avec la vérité, et que le mal a été au-dessus, le mal est au-dessus du bien, parce qu'il y a plus de gens qui font le mal que de gens qui font le bien, il faut savoir que la vérité ne cessera quand même jamais d'exister. La vérité va toujours continuer à exister, et les gens de la vérité vont quand même également continuer à exister, même s'ils sont une minorité. Et même s'ils sont peu nombreux. Et ça, ça répond également en même temps à ceux qui prétendent toujours qu'ils distinguent les gens de la vérité et du faux par rapport à leur nombre. Et il faut bien comprendre que le nombre n'a rien à voir avec la vérité. Hein? Et en général, on voit dans l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et dans les exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, c'est que les gens de la vérité en général sont toujours la minorité et sont toujours le plus petit nombre. Et donc ça c'est un point. Et il dit aussi, et il y a également une réponse à ceux qui disent dans ça que ça sert à rien de condamner ou de réfuter ceux qui contredisent la vérité, et que ça sert à rien d'expliquer, ou ça, que ça sert à rien de leur faire des exhortations ou des rappels, parce qu'ils ne reviennent pas, et en particulier si les gens restent toujours dans leur égarement. Et il dit ça c'est faux, hein, ça c'est faux. Et il dit que leur parole ressemble à la parole du groupe parmi les fils d'Israël qui ont dit, pourquoi vous exhortez un peuple que Allah va faire périr ou va châtier d'un châtiment sévère de toute façon. Donc pourquoi vous les exhortez? Quand le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu par la suite, Allah n'a pas mentionné ce qui est arrivé avec le groupe qui s'est tu, c'est-à-dire le groupe qui n'a pas condamné le mal, hein? Mais on sait que le groupe qui a été sauvé, c'est le groupe qui interdisait le mal. Mais le groupe qui s'est tu, hein, qui voulait pas exhorter et qui voulait pas appeler ceux qui faisaient le mal, Allah n'a pas mentionné ce qui leur arrivait, mais c'est possible, le cheikh il dit, que ils ont péri avec les autres. Ils ont péri avec les autres qui ont péri, qui faisaient le mal. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas condamné le mal qui se faisait à ce moment-là. Et le cheikh il dit enfin que le hadith, وفي الحديث أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاغ والبيان مهما كثر الفساد في الأرض بل تشتد الحاجة إليه في هذا الوقت أكثر من غيره. Donc il dit, on ne doit jamais laisser l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et la transmission de la religion et la clarification, hein, peu importe la quantité de corruption et de désordre qu'il y a sur la terre. Même que lorsque le désordre et la corruption augmentent, eh bien, le besoin de transmettre et d'ordonner et d'interdire devient encore plus grand, hein, à ce moment-là. Et ça, c'est-à-dire que plus qu'il y a du mal, on devrait redoubler d'efforts pour l'interdire et pour ordonner le bien et interdire le mal, et faire encore plus d'efforts justement pour réfuter la fausseté et appeler les gens au bien. Donc c'est ça en fait le point, et ça c'est un sujet, c'est très très important de le comprendre comme il faut, parce que à notre époque, beaucoup de gens, malheureusement, même parmi les gens du bien, ils se sont trompés dans cette question-là, et ils ont même baissé les bras devant le munkar, et ils ont même baissé les bras devant le fasad. Et ils ont dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a trop de mal sur la terre, il y a tellement de corruption, tellement de désordre, on n'est plus capable de faire rien, et il faut juste laisser faire les choses. Hein? Et ça sert à rien de parler, personne ne va changer, rien qui va changer. Les gens deviennent comme pessimistes. Hein? et ils deviennent, comme on dit, pessimistes, et ils pensent que ça y est, il n'y aura plus de victoire pour les croyants, puis que la cause d'Allah est perdue, et que Allah ne va plus donner la victoire aux mu'minin, les kuffars vont avoir la victoire jusqu'à la fin des temps, puis c'est fini. Alors, déjà de penser ça, c'est comme on, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ça dans le Coran, Alladhina yazunnuna yani billahi dhanna sawt. Et on n'a pas le droit de penser du mal d'Allah, de penser que Allah nous a abandonnés, que Allah a abandonné l'islam, que Allah a abandonné les croyants, que Allah a donné la victoire sur les kuffars, et que leur victoire contre, sur les croyants va être jusqu'à la fin des temps, et que les musulmans vont plus jamais avoir de victoire sur eux, ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas permis à un croyant d'avoir ça, cette pensée-là, même que ça fait partie de désespérer en la miséricorde d'Allah. Et on n'a pas le droit de désespérer en la miséricorde d'Allah. Ça fait partie des kaba'ir, de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici à ce point, inshallah, et on continuera au prochain cours. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.